Okay. Okay. Je vais le refaire. Je cherche la mesure. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour et les jours nous fassent oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. À l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien si tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse. En croyant au bonheur, la peur entre mes joies. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye les jours et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, nous deux, jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit, pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps, il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour et les jours nous fassent oublier la vie. Retiens la nuit. Retiens la nuit. Et maintenant, mesdames et messieurs les musiciens, il est l'heure de vous exprimer. C'est à vous. C'est à toi, Zig. C'est à toi Giorgio. Retiens la nuit, avec toi elle paraît si belle. Retiens la nuit,